Elisa Boguet, vous êtes une grande voyageuse et tout le monde connaît aujourd'hui vos magnifiques photos de voyage. Vous vous souvenez de votre premier voyage ? Mon premier voyage ? Ah oui, je m'en souviens assez bien. J'avais 15 ans et j'étais au lycée Henri IV à Nantes. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? C'était en 1987. Oui, c'est ça, 1987. Il y a plus de 20 ans. Avec notre professeur d'allemand, nous sommes partis pendant 2 semaines en Allemagne, dans une petite ville à côté de Munich. Au moment où nous sommes sortis du train à Munich, nous avons vu nos familles d'accueil sur le quai. Elles nous attendaient avec notre nom écrit sur un papier. Je suis allée vers la dame qui avait mon nom. Elle était très gentille et elle a commencé à me parler en allemand. Et là, c'était terrible, parce que je la regardais et je ne pouvais pas dire un mot en allemand. Je comprenais tout ce qu'elle me disait, mais j'avais peur de parler. Et je suis restée comme ça pendant plusieurs minutes, sans parler. J'étais ridicule. En cours d'allemand, j'étais une bonne élève. Et là, plus rien. Nous avons alors quitté la gare, puis nous sommes allés chez elle. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai commencé à parler. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de problème. Les 2 semaines que j'ai passées là-bas étaient vraiment super. Je suis retournée dans cette famille 1 an plus tard, mais cette fois-ci toute seule.